soudain. Laissez-le, c'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la zone pour le pâté de maison comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, voilà, madame la première adjointe arrive, on va pouvoir démarrer. Je vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième séance de cette mandature. Merci aux services, tout d'abord pour leur accueil, leur accompagnement lors des trois premières semaines de ce mandat qui viennent de s'écouler et pour l'organisation de la séance qui s'ouvre. Je vous propose de désigner M. Alexandre Vidal comme secrétaire de séance. M. Alexandre Vidal, je vous remercie de bien vouloir procéder à l'appel nominal. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Joannico Régis, Madame Toki Julie, Monsieur César Johan, Madame Atif Valérie, Monsieur Ngameni Anaclet, Madame Dumestre Isabelle. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce mardi 21 avril 2026, vous l'avez entendu en préambule et toujours à l'instant en fond sonore. Un magazine consacré à l'actualité politique locale aujourd'hui, en ce lendemain de 20 avril, lundi 20 avril, et donc lendemain de séance de conseil municipal. Et comme le précisait Monsieur le maire à l'instant, et oui, il va falloir s'habituer à ces nouveaux noms, prénoms, à ce nouvel environnement finalement, à la fois humain et plus. En tout cas, c'est la nouvelle assemblée municipale et donc ces nouveaux membres qui composent cette assemblée municipale. Une véritable, finalement, première séance de conseil après tout ce qui a pu se dérouler ces dernières semaines, hein, vous le savez, les élections municipales. En deux tours, 15 et 22 mars dernier, un premier conseil dit d'installation, donc où il s'agissait véritablement d'élire à la fois le maire, à la fois les adjoints au maire, ainsi que les différents conseillers. C'était donc cela le 27 mars dernier. Donc voilà, trois semaines se sont écoulées et véritablement, c'était en ce mois d'avril une véritable première séance de conseil municipal, du moins dans un déroulé à la quasi-normale, avec un ordre du jour plus ou moins chargé. Alors, petite modification, on va en parler d'ici un instant, petit changement en termes de conseils municipaux qui vont revenir à une fréquence un peu plus régulière. Vous savez que les séances avaient été un petit peu espacées durant les derniers mandats. Retour sur des séances peut-être plus digestes. En tout cas, cela a l'air d'être l'intention. On va aussi le découvrir au fil des séances. En tout cas, ce sont des séances et des fréquences mensuelles, désormais attendues, puisqu'il y aura un conseil municipal au mois de mai ainsi que le mois de juin prochain. Hier, ce fut 5 heures de séance en tout et pour tout, mais pour une séance étalée sur l'ensemble de la journée. Voilà, c'est ainsi que désormais vont se dérouler les conseils municipaux. Donc peut-être moins long et moins dense, en tout cas plus digeste en effet, ce qui n'est pas forcément pour nous arranger en termes de médias et couverture médiatique, mais nous allons faire au mieux. En tout cas, ce conseil d'hier a commencé en matinée avec une première partie en première demi-journée de milieu de matinée, 10h30 à 12h15 environ, avant une petite pause méridienne et un point presse prévu d'ailleurs, et avant une reprise en après-midi à partir de 13h30, et pour une séance qui s'est finie plus ou moins en fin d'après-midi, vers 17h environ. Voilà, pour ces deux parties essentielles de conseils tenues hier. Alors, pas véritablement d'analyse durant ce programme et ce mag aujourd'hui. Néanmoins, nous allons vous tenter de faire retour, comme habitude, comme ça un petit peu à chaud, de cette séance de conseil, avec bien les éléments forts, hein, finalement, qui ont pu eh bien, se dérouler lors de cette séance hier. Alors, un ordre du jour assez complet, je le disais, des délibérations relatives toujours et encore à la gestion et décision finalement de la politique, hein, de la ville. C'est aussi l'intention et l'objectif d'un conseil municipal. Il va être encore question là d'installation finalement, entre guillemets. On était dans une sorte encore de formalisation, d'organisation et de fonctionnement, et vous l'entendrez avec un ordre du jour très largement consacré aux désignations des élus membres de diverses instances, de conseils d'administration et autres commissions. C'est ce qui a composé l'essentiel du conseil hier. Donc on est encore dans une sorte de phase d'installation. Et puis néanmoins, quelques questions et vœux qui ont pu être là aussi présentés en fin de séance. Voilà, on va essayer de revenir sur l'essentiel durant aujourd'hui pour ce conseil. Donc, je le disais, une équipe désormais en place, 3 semaines là de, ça y est, hein, de mise en place et de lancement, hein, finalement. Je le disais, lors du dernier conseil d'installation du 27 mars dernier, ce fut l'élection du maire de Saint-Étienne, Régis Juanico, donc désormais. Et puis donc les délégations, hein, qui ont été annoncées dans la foulée, avec désormais cette composition au-delà du maire de la ville. Hein, petit rappel, ce sont 59 élus, hein, qui composent le conseil municipal, donc au-delà du maire, 22 adjoints, 20 conseillers délégués, 20 conseillers délégués, 16 conseillers municipaux également, avec une bonne parité la présente, hein, puisqu'on compte 51% d'élus femmes pour 49% d'élus hommes. Voilà pour ce conseil, et durant ces... En tout cas, composition de conseil municipal. Alors, on va s'habituer à ces nouveaux protagonistes, hein, finalement, ces nouvelles voix, ces nouvelles déclarations et ces nouvelles ambiances. On peut dire qu'il y a véritablement un changement et la teneur du conseil hier a tranché, hein, quelque peu avec les séances précédentes. Un climat beaucoup plus apaisé, à l'écoute, bienveillant, très courtois. Peut-être trop parfois, ce qui peut surprendre, mais écoutez, voilà, c'est en tout cas ainsi que s'est déroulé et que se sont déroulées finalement ces premières séances. Alors à voir pour la suite, bien entendu. En tout cas, on va vous en faire écho et extrait aujourd'hui. Durant ces 3 semaines qui se sont passées, donc depuis un petit mois, ce fut aussi l'occasion de, ça y est, de premières présences et premières visites officielles de terrain, hein, avec... d'ores et déjà un travail de communication, hein, qui a été mené auprès de la presse totalement, mais auprès aussi du public stéphanois. Un travail sur le commerce de proximité, on va en reparler, puisqu'il y a eu une réunion en mairie le 8 avril dernier des acteurs engagés pour le commerce, afin d'échanger, de collecter, recueillir aussi des avis et redonner priorité, projet pour revitaliser le centre-ville. Et on va en reparler en ouverture de suite d'ailleurs de ce conseil d'hier. Différents hommages qui ont pu être réalisés aussi durant ces 3 dernières semaines. Je pense à Léon Notin, je pense à la résistante Mélanie Bergévol, par exemple, 104 ans, qui a fui le nazisme et qui s'est engagée dans la résistance française. Il y a eu la question de la sécurité avec un nouveau dispositif testé pour la sécurité dans les transports en commun, et puis de tranquillité encore publique, il a été question puisqu'il y a eu une grande rencontre avec les agents de la direction de la police et de la sécurité civile de la ville. Il y a eu encore l'inauguration de l'événement très de saison, printanier, à la fête des plantes. Il y a eu une rencontre et un gros travail avec la préfecture également. Il y a eu une assemblée générale d'associations diverses, l'association du don du sang pour exemple. D'autres temps forts, tout récents, encore fin de semaine dernière, inauguration de l'éco-hameau Courriot. Il y a eu aussi beaucoup de communications faites dans la presse locale, je pense à des portraits aussi pour aussi peut-être davantage de connaître nos représentants et élus aujourd'hui. Et puis il y a eu encore cette décision fin de semaine dernière, on va encore largement en reparler, avec un jumelage avec en tout cas arrêt d'un jumelage et sans doute proposition d'une nouvelle. Voilà, ce sera l'occasion d'en reparler, puis du sport bien sûr, hein, avec la dissolution, en tout cas menace de dissolution pesant sur les supporters stéphanois, et qui a aussi fait l'objet d'ailleurs d'un vœu à l'issue de ce conseil hier. En tout cas, alors, on va essayer d'en faire retour, restitution, en tout cas sur l'essentiel ou presque. Allez, on va ouvrir de suite avec... Précisément, eh bien, commençons par commencement, le temps d'ouverture de cette séance hier, qui, je le disais, pour le conseil municipal, va se dérouler désormais de façon un peu différente. Donc une organisation et un fonctionnement nouveau. C'est ce que l'on va entendre de suite, avec d'emblée, dans la foulée, au-delà de ce temps de présentation, il y a la présentation aussi de ce qui désormais va être des temps de débat proposés. Régis Juanico. Nos conseils municipaux doivent être un espace de débat démocratique, d'échange, de partage respectueux et non un seul temps d'enregistrement administratif et réglementaire. Pour ce faire, nos séances auront donc dorénavant deux temps. Le premier, le matin, sera celui du débat sur un sujet d'importance déterminé à l'avance et en commun. Le second, l'après-midi, sera celui plus classique, des délibérations techniques. Nous ouvrons donc la première séquence thématique du Conseil municipal dans sa nouvelle version, voulue en deux temps. La première séquence ce matin est consacrée au commerce de proximité. Un sujet concret, visible, quotidien, un sujet qui parle à chacune et chacun d'entre nous, car le commerce de proximité, ce n'est pas seulement une activité économique, c'est ce qui fait vivre nos quartiers. C'est ce qui crée du lien social, c'est ce qui donne une identité, une âme à notre ville. Et pourtant, nous le constatons tous, notre centre-ville est fragilisé, des commerces ferment, la fréquentation recule, les équilibres se transforment, et face à cela, nous avons une responsabilité collective, comprendre, agir et surtout construire des solutions durables. C'est tout l'enjeu de notre échange de ce matin. Dresser un état des lieux lucide, partager nos analyses, établir une feuille de route et ouvrir des perspectives concrètes pour redynamiser durablement notre commerce local. Oui, c'est un fait. Saint-Étienne est aujourd'hui profondément affecté par la désertification commerciale, avec un taux de vacance proche de 15% en centre-ville. Les causes, nous les connaissons. Le développement des grandes zones commerciales en périphérie, l'essor du e-commerce, la crise du pouvoir d'achat et le manque d'animation qui affaiblit la fréquentation du centre-ville. Résultat, depuis 2024, notre centre-ville a perdu près de 20% de ses visiteurs. Nous ne nous y résignons pas et nous allons agir. Nous refusons un centre-ville qui se vide progressivement. Nous refusons un centre-ville qui ne serait plus en mesure de proposer une offre commerciale plurielle, adaptée à destination de toutes les bourses. Nous voulons un centre-ville vivant, diversifié et attractif. C'est pourquoi un grand plan de reconquête du centre-ville va être rapidement initié. Nous voulons une ville plus sûre, plus propre, plus accessible, plus animée. Une ville plus sûre avec le déploiement d'une police municipale de proximité. À pied, à vélo, en contact avec les habitants, mais aussi avec nos commerçants. Avec la montée en puissance de la brigade de sécurisation des transports en commun, opérationnelle depuis le 4 mars dernier. Mais aussi une action déterminée de nos policiers municipaux, en lien avec les services de l'État, contre le narcotrafic, pour lutter contre les incivilités routières et les nuisances nocturnes de certains commerces, je le précise, dans tous les quartiers. Une ville plus propre, avec la création d'une brigade environnementale, des agents dédiés qui sensibilisent, mais aussi sanctionnent les incivilités du quotidien, dépôts sauvages, tags, nuisances, déjections canines. Nous agirons sur les locaux vacants. Nous mobiliserons tous les leviers fonciers pour faciliter l'installation de nouveaux commerçants, artisans, services et activités de loisirs, et proposer des offres et services qui aujourd'hui manquent. Nous accompagnerons les porteurs de projets. Des leviers d'action sont disponibles. L'encadrement des loyers commerciaux, l'augmentation de la taxe sur les commerces vacants, mais aussi l'usage du droit de préemption ou l'acquisition par la ville de cellules commerciales avec des surfaces importantes sur les emplacements stratégiques de type H&M ou Zara. Ces locaux doivent être adaptés aux besoins d'aujourd'hui avec une offre qualitative de nature à pouvoir discuter à nouveau avec un certain nombre d'enseignes nationales et envisager leur installation à Saint-Étienne. Enfin, nous créerons un guichet unique pour accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre ici à Saint-Étienne. Mais un commerce ne peut vivre et développer son activité et son chiffre d'affaires que s'il y a du passage. C'est pourquoi nous rendrons le centre-ville plus accessible, plus animé. Nous proposerons la gratuité des transports en commun le samedi sur l'ensemble du territoire métropolitain dès le 5 septembre prochain et la gratuité du service Handistas de transport à la demande pour les personnes en situation de handicap. À Roanne, les résultats de la gratuité des transports en commun le samedi depuis 2 ans et demi sont là, avec 70% d'augmentation de la fréquentation des bus, plus de fréquentation des commerces et un panier moyen d'achat supérieur. Plus de passages en centre-ville, c'est plus de clients pour nos commerçants. Nous allons lancer dans les prochains jours une évaluation par les services de la ville de la mesure de gratuité totale du stationnement en surface, mise en place il y a un peu moins d'1 an. Nous souhaitons en mesurer l'efficacité concrète pour les commerces avant d'envisager la suite à donner à la fin du mois de juillet. Nous agirons pour libérer les trottoirs en appliquant et en rendant effective la réglementation en vigueur votée ici même il y a quelques années, afin que chacun puisse circuler dignement, à commencer par les personnes à mobilité réduite et les plus vulnérables. Nous voulons aussi un centre-ville où l'on a envie de venir et de rester. Nous expérimenterons donc la piétonnisation de certaines rues en concertation avec les commerçants et les habitants. Nous allons améliorer l'éclairage, le mobilier urbain, le fleurissement. Nous mettrons en valeur notre patrimoine architectural. Et surtout, nous ferons à nouveau battre le cœur de notre ville. Avec une ambition simple, une grande animation populaire chaque mois. Comme la Sainte-Barbe ou la Fête du Livre, ou les prochaines festivités liées à la SSE, que ce soit l'anniversaire des 50 ans de l'épopée de 1976, ou la remontée espérée, je touche du bois, des Verts en Ligue 1, ce sont autant d'événements fédérateurs au service de la nouvelle dynamique de centre-ville que nous voulons. Enfin, nous changerons de méthode. Nous bâtirons un véritable partenariat entre la ville et les commerçants, main dans la main avec les associations de commerçants et les chambres consulaires. La première réunion commerce élargi qui s'est tenue en mairie le 8 avril, en présence de 40 participants, nous conforte dans cette volonté commune de relever ensemble notre centre-ville. Nous avons décidé de créer un conseil stratégique commerce, artisanat, animation, qui se réunira régulièrement pour partager les informations avec les services de la ville et faire émerger les projets de revitalisation du centre-ville. Nous avons d'ores et déjà décidé de nommer 2 managers de centre-ville à l'écoute et au service des commerçants et aussi de développer en commun des dispositifs concrets comme des bons d'achat locaux. Notre centre-ville doit redevenir un lieu de vie, de rencontre, d'envie. La revitalisation de notre commerce de proximité sera donc l'une des priorités majeures de ce plan de mandat. Mais cela ne se fera pas tout seul. Cela se fera avec de la volonté politique, de la cohérence et des actes. Je vous invite donc à aborder la séquence qui va suivre avec respect des opinions de chacun, souci d'écoute, esprit de co-construction, mais surtout avec une ambition, celle que nous avons entre nos mains, l'avenir de notre ville Saint-Étienne. Je laisse désormais la parole à Monsieur Badr Boukrissi, adjoint chargé de la vitalité commerciale, de l'animation de la ville et des relations avec le monde économique, qui va nous apporter son éclairage sur un certain nombre de mesures que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Voilà pour le propos introductif, en tout cas présentation dans les grandes lignes de ce débat qui a donc ouvert le conseil municipal, et ce sera désormais le cas pour chaque séance de conseil municipal. Hier en matinée donc, première demi-journée de cette journée finalement municipale et de conseil municipal, avec donc cette intention d'apporter aussi un temps d'échange, de débat. Et donc celui-ci s'ouvrait hier avec la question du commerce. Vous l'avez entendu avec le maire Régis Juanico en présentant les grandes lignes. Badre Boukrissi prenait la suite donc et relève ensuite 18e adjoint chargé de la vitalité commerciale, de l'animation de la ville et des relations avec le monde économique. 18e adjoint qui ensuite donc présentait là aussi cette feuille de route à mettre en œuvre et appliquer finalement pour ce mandat donc qui vient de débuter. Je rappelle que bien entendu notre format assez resserré d'à peu près une heure ne nous permet pas de pouvoir trop nous étendre sur chacun des points, hein, plus de 5 heures de séance je le disais, et donc vous pouvez néanmoins suivre tout cela via le site de la ville, puisque celui-ci met toujours à disposition les séances donc qui sont filmées et qui sont donc accessibles ensuite, que vous pouvez revisionner à souhait sur le site de la ville www.saint-etienne.fr. Revenons néanmoins à notre restitution audio et radio en l'occurrence. Ce temps débat donc sera proposé, je le disais, pour chaque conseil municipal, présentation et débat en ouverture. Commerce de proximité hier, état des lieux et perspectives. Cela a fait suite, je le disais, d'une réunion aussi en mairie qui a eu lieu début avril, le 8 avril dernier, avec les acteurs engagés pour le commerce, donc commerçants et commerçantes. Échanger, collecter les avis, les propositions, et puis avec cette intention, vous l'avez entendu très largement aussi, de redonner priorité aussi et projets pour revitaliser et animer véritablement le centre-ville. Vous l'avez entendu, un temps fort mensuel proposé. Donc c'était le débat là qui était proposé hier en ouverture de séance. Débat très finalement cadré, hein, et balisé, avec un temps de parole ensuite qui a été donné aux différents groupes du conseil, bien entendu, groupe à la fois de majorité et d'opposition, hein, je le rappelle, principale opposition UDR Rassemblement National, le groupe de droite uni Saint-Étienne Engagé, il me semble, qui était derrière Dino Cinieri, et puis la France Insoumise également. Donc ces groupes d'opposition ont pu prendre très largement la parole, ainsi que d'autres groupes qui composent aussi finalement la majorité. Exemple hier, parole a été également donnée au groupe communiste, au groupe écologiste et au groupe Saint-Étienne Demain. Alors les groupes ne sont pas véritablement encore constitués, cela va être présenté sous peu, avec donc les présidences de groupes qui vont aussi être annoncées et présentées, et donc formalisées, hein, d'ici peu, puisque cela n'est une réunion de présidents de groupe a eu lieu avant la séance de conseil, mais cela doit être encore officialisé, si je puis dire ainsi. Des prises de parole très cadrées, je le disais, environ 4 minutes de prise de parole possible par les principaux groupes, et puis les conseillers municipaux ont ensuite pu également intervenir s'ils le souhaitaient dans un temps restreint de 1 minute environ. Voilà, tout cela très cadré et balisé donc pour ce temps de débat que l'on va donc retrouver très régulièrement sur ces séances de conseil municipal. Le prochain est déjà d'ailleurs d'ores et déjà arrêté et proposé. Il sera question de santé et d'accès aux soins pour le conseil municipal du mois prochain. Ce sera, je vous le livre d'ailleurs de suite, le 27 mai prochain pour la prochaine séance de conseil municipal. Avec le lundi férié, il sera reporté donc au milieu de semaine et au mercredi 27 mai prochain. Alors, le lien et la transition est toute faite avec le sujet qui va suivre. On reste sur cette première demi-journée hier avec le deuxième point qui est à l'ordre du jour. Il s'agissait, alors je donne l'intitulé tel que du déploiement d'un médicobus sur le territoire de Saint-Étienne. Accord de principe, c'est ce dont il était question donc, et là également parole va être donnée à l'adjoint en charge précisément de la santé, mais on écoute cela de suite. Le médicobus accord de principe présenté hier matin. L'information que nous allons vous donner pour terminer cette première partie matinale du conseil municipal sur la question du médicobus. Hein. Donc je précise bien que là, c'est pour faire face à la problématique d'accès aux soins dans les territoires sous-dotés, notamment en offre de médecine générale. Vous savez que l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a contribué et contribue au financement d'expérimentations, notamment de type médicobus. Ce service itinérant permet aux médecins de se déplacer dans les territoires sous-denses pour offrir des consultations, des suivis médicaux, des conseils et orienter vers des spécialistes répondant ainsi aux besoins des populations éloignées des structures de soins. C'est la démarche d'aller vers qui implique une action proactive des professionnels de santé qui se déplacent hors des structures pour rencontrer les publics vulnérables dans leur lieu de vie afin d'établir une relation de confiance, identifier leurs besoins et leur fournir des conseils adaptés. L'objectif vise également à maintenir durablement les professionnels de santé dans ces zones et ça sera une des questions que nous débattrons lors du prochain conseil municipal fin mai, puisque d'un commun accord ce matin avec les présidents de groupe, on a estimé que ça serait intéressant, pas simplement d'avoir ce point d'information sur le Medicobus aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on veut démarrer très, très rapidement, mais d'avoir un débat plus approfondi sur l'accès aux soins et la santé à Saint-Étienne lors du prochain conseil municipal. Donc vous savez que la ville de Saint-Étienne était déjà engagée dans un certain nombre de démarches avec l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de la Loire, pour reprendre cette initiative et l'étendre. Et donc, nous avons aujourd'hui inscrit dans le cadre du contrat local de santé ce projet de Medicobus, et nous allons aussi l'inscrire dans le plan de mandat de la ville. Je vais laisser la parole maintenant à Monsieur Anaclet Ngameni pour 5 minutes pour conclure notre session du matin. Monsieur Anaclet Ngameni étant l'adjoint chargé de la santé mentale, de la prévention et de la lutte contre les addictions pour cette présentation de cette délibération d'information. Merci Monsieur le maire. À Saint-Étienne, l'accès aux médecins généralistes et certaines spécialités demeure difficile. Notre ambition est d'améliorer durablement l'accès aux soins grâce aux mesures concrètes, visibles sur le terrain, déployées à court, moyen et long terme. Oui, Monsieur le maire, on ira vite et très vite et de façon concrète. Ce jour, la délibération qui vous est proposée aujourd'hui concerne l'opportunité de déployer un Medicobus sur le territoire de Saint-Étienne. Il s'inscrit dans un contexte que nous connaissons bien, celui de tensions croissantes sur l'accès aux soins de premier recours. Même si notre commune n'est pas classée en désert médical au sens administratif du terme, plusieurs indicateurs et surtout de nombreux remontées sur le terrain montrent que l'accès à un médecin généraliste devient plus difficile pour une partie de la population. Cette difficulté n'est pas homogène. Elle ne concerne pas l'ensemble du territoire de la même manière. Elle est localisée, parfois très fortement, dans certains quartiers. À Côte-Chaude, par exemple, il n'y a pas de médecin généraliste depuis 2021. Dans d'autres secteurs, comme le Grand Clos, Bel Air, l'offre médicale s'est progressivement réduite, rendant plus difficile l'accès à un médecin traitant. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le premier est bien connu, le départ en retraite de certains médecins généralistes. Une part importante des praticiens actuellement en exercice atteignent l'âge de retraite dans les prochaines années et leur remplacement n'est pas assuré. Le deuxième facteur tient à l'attractivité du territoire. Certains quartiers, notamment les plus populaires, rencontrent davantage de difficultés à attirer de nouveaux professionnels de santé. Le troisième facteur concerne l'évolution des jeunes médecins. Oui, les jeunes médecins. Ceux-ci privilégient de plus en plus d'exercices coordonnés en groupe avec les conditions d'exercice, de travail encadré et un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Cela modifie les logiques d'installation et peut accentuer les déséquilibres territoriaux. Les conséquences de ces évolutions sont concrètes sur les habitants. Elles se traduisent par des délais de rendez-vous longs, des difficultés à trouver un médecin traitant et parfois des déplacements contraints vers d'autres quartiers ou d'autres communes. Dans certains cas, ces difficultés conduisent à un renoncement de soins. Des personnes repoussent une consultation, ne réalisent pas un suivi médical ou se tournent vers des solutions inadaptées, comme les services d'urgence pour des situations qui ne relèvent pas de la médecine de ville. Ces situations pose une question d'égalité d'accès aux services de santé publique. Face à ce constat, les réponses doivent être multiples. Elles relèvent d'abord d'une politique nationale et de l'organisation du système de santé. Mais à l'échelle locale, la collectivité peut également agir en complément des dispositifs existants. C'est dans ce cadre que se développe depuis plusieurs années la démarche, comme le dit M. le maire, dite d'aller vers. Cette démarche repose sur une idée simple. Ne pas attendre que le public vienne vers les structures, mais organiser une présence au plus près des lieux de vie. Elles sont particulièrement adaptées pour toucher les publics éloignés du système de santé, que ce soit pour des raisons géographiques, sociales ou culturelles. Elles permettent de recréer des liens, oui, recréer des liens, de repérer des besoins, oui, certaines personnes se sentent vraiment isolées, d'accompagner les personnes dans leur démarche et de faciliter leur orientation vers le système de soins que d'encombrer les urgences. Le médico-bus s'inscrit pleinement dans cette logique. Il s'agit d'un cabinet médical mobile qui permet à des professionnels de santé d'intervenir directement dans les quartiers où l'offre de soins est insuffisante. Concrètement, le médico-bus permet de proposer des consultations de médecine générale, d'assurer le suivi médical, notamment des pathologies chroniques, de mener des actions de prévention et d'orientation des patients vers des structures adaptées lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas donc d'un dispositif ponctuel, mais d'un outil qui peut s'inscrire dans un parcours de soins plus global. En conclusion, le projet du Medicobus s'inscrit dans une approche pragmatique et progressive. Il vise à apporter une amélioration concrète à l'accès aux soins, en particulier dans les quartiers les plus fragilisés, tout en s'insérant dans une stratégie plus globale de santé publique à l'échelle du territoire. Je vous remercie. À l'instant, donc, Anaclet Nguemini, quatrième adjoint chargé de la santé mentale, de la prévention et de la lutte contre les adductions, quatrième adjoint qui s'exprimait pour présenter ce déploiement du Medicobus sur Saint-Étienne. C'était le deuxième dossier à l'ordre du jour de ce conseil municipal hier. Cela était à l'ordre du jour, en effet, pour un accord de principe sur ce projet-là, même s'il s'agissait donc simplement d'acter ce déploiement du Medicobus à raison de une à deux fois par semaine dans un premier temps, avant un déploiement total avec pour objectif donc de 5 jours par semaine à partir de janvier 2027. L'idée est donc d'acter la chose et cela a fait l'objet d'un vote d'ailleurs, je crois qu'il y a eu simplement 8 abstentions d'ailleurs sur ce projet-là, d'un coût net de 30 000 euros par an de fonctionnement, et donc qui finalement là a lancé la possibilité d'entreprendre donc des contacts auprès des partenaires et autres acteurs pour ce déploiement, une expérience qui est déjà menée et d'ailleurs avec succès et concluante depuis 2025 sur le nord du département, sur le Roannais. Voilà pour ce point santé, le Medicobus. Là aussi, vous aurez toutes les infos en vous rendant à nouveau sur le site de la ville pour avoir les rapports finalement aussi de conseils et pouvoir visionner à nouveau par points les dossiers à l'ordre du jour qui étaient à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Santé et accès aux soins qui, comme je le disais, fera l'objet du prochain débat du prochain conseil municipal, comme le rappelait Régis Joannico, qui aura lieu donc le 27 mai prochain pour le mois de mai, en effet. Voilà pour cette première demi-journée de conseil municipal hier, je le disais, hein, petit changement de fonctionnement, mode de fonctionnement et organisation. Alors après ces premiers points, le conseil allait faire une pause méridienne. Et puis, c'était la deuxième partie de journée, après-midi, qui était consacrée à d'autres points à l'ordre du jour. Je le disais, ce fut 5 heures de séance environ, 25 dossiers à l'ordre du jour, donc on vient d'en voir uniquement et seulement deux pour l'instant. qu'est-ce qui s'est passé entre le matin et après-midi ? Bien, là aussi, quand même, quelques petites infos à vous transmettre, parce que hier, en début d'après-midi, nous avons reçu aussi ce communiqué de presse de Pierrick Courbon, qui était bel et bien présent, mais partiellement hier sur cette journée, pour une simple raison, c'est qu'il a hier démissionné de son mandat de conseiller départemental. Voilà, pour éviter aussi la question des cumuls des mandats, Pierrick Courbon, qui est député de la Loire et qui a remis à la préfète de la Loire, ainsi qu'au président du département, sa démission de mandat de conseiller départemental, à compter d'aujourd'hui, ce mardi 21 avril, conformément aux règles en vigueur relative au cumul des mandats. Donc il a siégé dernière fois hier après-midi sur les bancs de l'Assemblée départementale à l'occasion d'une réunion de sa commission permanente. Et voilà, cela va lui permettre de rejoindre, en effet, de rester mobilisé au sein de cette nouvelle majorité municipale stéphanoise aux côtés de Régis Juanico en tant que conseiller spécial. Son rôle de conseiller municipal, précise-t-il, sans délégation et avec une indemnité identique à celle des élus de l'opposition, consiste à accompagner politiquement le maire et les élus de la nouvelle majorité dans l'accomplissement de leur mission au service de Saint-Étienne et des Stéphanois. Voilà, Pierrick Courbon qui sera remplacé au conseil départemental par André Provera, ancien élu de la ville de Roche-la-Molière, qui sera intronisé en mai prochain justement et qui travaillera aussi en étroite collaboration avec son binôme Arlette Bernard. Voilà, 10 ans quasi sur les sièges de l'Assemblée départementale, puisqu'il avait été élu pour la première fois au département en 2015. Et c'était d'ailleurs le Benjamin de l'Assemblée départementale, qui était devenu ensuite président du groupe de l'opposition dès son élection. Voilà pour Pierrick Courbon, donc, et cette information de la journée d'hier également, qui concerne à nouveau et encore nos élus locaux. Et puisqu'on parle de préfecture, puisque cette démission a été remise à la préfète, simplement vous annoncer également que c'est une autre démission du côté de la préfecture cette fois, juste parce qu'on vient d'avoir confirmation du départ de la préfète de la Loire, Muriel Nguyen, qui s'apprête donc à quitter le département pour de nouvelles fonctions à Paris. Voilà, elle a simplement fait quelques mois, elle avait pris ses fonctions le 1er septembre dernier, elle a donc exercé ses fonctions durant 7 mois à la tête de la préfecture de la Loire, et elle va être missionnée désormais du côté de l'État et du président de la République, puisqu'elle va devoir assurer ses nouvelles responsabilités officialisées lors du Conseil des ministres du 8 avril dernier de conseillère aux affaires intérieures et sécurité, qui seront donc les siennes auprès du président de la République. Voilà, on a donc appris cette nouvelle là aussi. Et confirmé même ce matin même pour vous le préciser. On va poursuivre cette séance de conseil municipal, retour à cette assemblée locale et municipale d'hier avec le programme et ordre du jour de l'après-midi. Alors on va aller plus ou moins vite, je le disais, c'était un conseil à nouveau et encore peut-être bien de formalisation et d'installation sur certains points. Avec notamment le but hier de formaliser l'organisation et le fonctionnement avec les élus membres de diverses ou désignés auprès de diverses instances, de conseils d'administration, de diverses commissions, de différentes instances et organismes. Les élus en effet sont répartis pour être membres de CA ou autres, de commissions sur divers organismes, instances et établissements. Alors il y en a vraiment de nombreux, ça a fait l'objet de diverses délibérations, 16 délibérations. Concernait finalement ces différents points, avec notamment le conseil d'administration du centre communal d'action sociale, donc il s'agissait encore là aussi de désigner des membres élus et même de déterminer le nombre de sièges et de voter, et puis d'autres commissions comme appel d'offres, comme délégation de services publics, comme dans le domaine social et des aînés, avec donc différents établissements, comme dans le domaine scolaire d'ailleurs, ou de l'éducation, comme dans le domaine de la culture, de la santé, du handicap, bref, vraiment de multiples et nombreuses instances dans lesquelles siègent les élus, et il s'agissait donc de répartir les membres du conseil municipal sur ces diverses instances. Donc c'était 16 délibérations dans ce but, 16 dossiers finalement à l'ordre du jour qui concernaient ces désignations. Et puis, justement, avant d'aborder les derniers points, revenir peut-être sur une intervention qui avait lieu justement finalement dans ce cadre-là, à l'issue de ces différentes désignations et ces différents points qui étaient à l'ordre du jour sur ces délibérations. Je vous propose de retrouver une intervention de l'opposition. Je crois que c'était Valentine Mercier ou en tout cas la France Insoumise, le groupe La France Insoumise ou les Insoumis stéphanois, avec une réponse. Vous entendrez de la majorité d'un conseiller adjoint sur ces questions. Alors on écoute justement, on était sur les 17e, 18e dossiers à l'ordre du jour qui concernaient les désignations à la fois des organismes œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse ou encore dans les instances de gestion des lycées, collèges et écoles par exemple. Donc c'était vraiment les derniers points, les 17 et 18, avec donc cette intervention et réaction que je vous propose de retrouver. Je vous propose de procéder à un vote en bloc. Je vous remercie de me signaler si vous portez candidat sur un organisme. Oui, Madame Myriam Zenaf, allez-y. Alors, ce n'est pas pour me porter candidate, Myriam mais c'était Zenaf, sur, pour les filles. Comme c'est le dernier point de désignation sur plusieurs... enfin, toutes les désignations sur les différentes instances, on prend acte hein, et on ne s'est pas opposé à ces différentes désignations. Par contre, au-delà des obligations réglementaires, parce qu'en fait, toutes ces instances, elles sont composées quasi exclusivement de membres de la majorité, quel dispositif concret vous comptez mettre en place donc pour associer les élus hors de la majorité? Mais en fait, c'est surtout, plus largement, en fait, les habitants, les Stéphanois et Stéphanoises, vulgariser toutes ces... En fait, toutes ces instances, hors juste des comptes rendus et autres, dans un cadre de renouveau démocratique, pour expliquer en fait tout ce qui est décidé par les membres de votre majorité, parce que la transparence, en fait, ça ne se limite pas juste au cadre légal. Très bien, très bonne question. Je passe la parole à Julien Ouguergouz, en charge du renouveau démocratique. Comme ça, il va pouvoir vous répondre. Alors oui, il y a beaucoup à faire, effectivement, pour impliquer les citoyens dans les différentes prises de décision de la ville. Donc c'est l'objet d'une, comme ça vous a pas échappé, d'une délégation quasiment entièrement nouvelle sur le renouveau démocratique. Donc on va d'abord commencer par associer les Stéphanois et les Stéphanoises dans un grand temps démocratique le samedi 27 juin. Vous êtes tous les bienvenus pour justement poser la question des gouvernances des conseils de quartier, mais aussi des assemblées citoyennes et des budgets participatifs. On va repenser aussi le rôle des différentes commissions consultatives qui étaient employées par la précédente mandature, en les remodelant aussi, parce qu'en fait, elles ont été employées un petit peu en silo, et on pense qu'elles doivent être beaucoup plus transversales. Et enfin, pour ce qui est des différentes thématiques, on compte vous proposer, à vous autres élus de l'opposition, de rejoindre des commissions thématiques de réflexion pour vous associer aussi aux travaux de la majorité. Voilà. Est-ce que la réponse vous satisfait, Madame Zenaf? On attend de voir comment ça va être mis en place, mais... C'est de bonne guerre. Voilà pour cette intervention. Alors, de la France Insoumise, non pas Valentine Mercier, mais Myriam Zenaf. Comme je l'ai reprécisé à nouveau à l'instant pour donc ces derniers points sur les désignations au sein de diverses instances, je le disais, mais au-delà de la question de la participation ou de la représentation, hein, finalement aussi, puisque cela concernait tout à fait ce point, et de la, voire même démocratie pure et dure et participative, notamment avec ce que vient d'évoquer à l'instant. Eh bien, l'adjoint en charge de cette question, le 10e adjoint Julien Ouguergouz, chargé du renouveau démocratique. Donc, vous l'avez entendu, une nouvelle délégation. Et avec ces temps forts hein, qui sont proposés et vont être proposés, vous l'avez entendu, cette grande journée, on aura sans doute l'occasion d'en reparler d'ici aussi les prochains conseils. Le prochain se tenant le 27 mai prochain. Et cette journée-là, annoncée par Julien Ouguergouz à l'instant, devrait être proposée le 27 juin prochain. Pour poursuivre et terminer ce conseil municipal et ses derniers points ou délibérations qui est à l'ordre du jour, puisque là revenons quand même si l'intention est d'être autre chose qu'une chambre d'enregistrement administratif, il était aussi tout de même question largement de cela hier, mais les autres points concernaient pour exemple la prise en charge du fonctionnement des groupes d'élus du conseil municipal, la formation des élus, les services communs de la direction générale, la mise à jour du tableau des emplois, les régimes indemnitaires tenant compte des fonctions, expertise, engagement professionnel et autres des emplois fonctionnels, l'attribution d'avantages en nature pour les emplois fonctionnels, notamment collaborateurs de cabinet, ou encore, dernier point, la gestion de la dette. Alors autant dire, oui, qu'il était un petit peu question aussi d'économie, mais alors au sens juste du terme, et pure du terme, avec alors là oui effectivement pas mal d'économies envisagées hein, au travers de ces différents points qui ont pu être présentés hier, notamment par exemple notons la suppression des logements de fonction pour les emplois fonctionnels justement, et puis d'autres efforts faits donc en termes de gestion de dette qui ont pu être encore explicités et exprimés hier. Et c'était donc la fin du conseil municipal qui se bouclait néanmoins avec encore quelques interventions, des vœux et questions orales comme c'est un peu l'habitude, qui là aussi envisage d'être un peu repensé dans peut-être la forme, voire le fond, hein, puisque la question aussi de l'intérêt, de la pertinence des vœux s'est présentée, hein, avec souvent des vœux qui sont formulés, mais qui n'obtiennent peu ou pas de réponse. En tout cas, deux vœux étaient présentés hier concernant alors, la dissolution des groupes supporters, par exemple, de la SSE, donc vœux formulés à l'attention du ministre de l'Intérieur, vœux formulés à l'attention du ministre de la Justice Darmanin sur un projet de loi rapport à la justice, et notamment la situation des victimes, et puis des questions orales. Alors on va terminer sur trois questions orales qui étaient proposées par l'opposition, et notamment les insoumis stéphanois. Une question qu'on ne va pas pouvoir suivre là, portant sur la trêve hivernale, le temps nous étant compté et limité forcément, mais, et c'était la dernière intervention, mais revenons sur les deux autres questions orales qui portaient, alors là, justement, sur ce qui a fait aussi couler pas mal d'encre et voire même délier les langues ce week-end. Nous avons appris ça vendredi dernier, officiellement, hein, par la municipalité via communiqué de presse sur ce projet de construction d'un jumelage avec une collectivité en Palestine. Donc il s'agit là de coopération internationale. En tout cas, c'est bien la nature du communiqué de presse que nous avons reçu vendredi. Dans la journée et qui donc revient en effet sur cette question du droit international également, surtout sous l'égide du droit international et de la solidarité humaine, en lançant et envisageant la construction d'un nouveau jumelage avec une collectivité en Palestine et en initiant une sortie d'une jumelage avec une ville israélienne. Tout cela va être explicité d'ici un instant avec la question qui était posée par l'opposition et les insoumis stéphanois, justement. Cela a fait l'objet vraiment hein, de nombreux échanges, même si là aussi l'objet n'est pas de débattre durant ces questions orales. Mais les échanges ont été nombreux, multiples, et je dirais presque les ambiances et échanges les plus tendus, voire houleux, lors de ce conseil pour ces deux questions orales qui portaient sur cette question du jumelage. Et ce fut près de 45 minutes hein, d'échange sur ce point. Alors, très court extrait pour terminer, puisque j'ai réussi justement de cet extrait et de cette question à en extraire un petit quart d'heure, justement. Eh bien, je vous propose de suivre cela pour terminer ce report ou report conseil municipal sur le 895 de Diour. Merci Monsieur le maire. Eh bien, pour ces premières questions orales, on souhaite d'abord saluer Zénard, donc, l'engagement pris par la majorité d'initier la sortie du jumelage avec Nof HaGalil, ainsi que la mise en place d'un jumelage avec une ville palestinienne. Il était nécessaire aujourd'hui à Saint-Étienne de replacer l'action internationale de la ville sous l'égide du droit international, des droits humains et du respect du droit des peuples à l'autodétermination. On attend donc de la mairie que dans les contacts qu'elle aura très prochainement avec Nof HaGalil, elle explique aux autorités israéliennes les raisons de ce déjumelage dans un contexte de violation grave du droit international, des droits fondamentaux et simplement en fait, du génocide du peuple palestinien. Et c'est un engagement qu'on a défendu pendant la campagne et donc on salue vraiment ce premier pas fait par la municipalité. On souhaite également soumettre au conseil municipal la nomination comme citoyen d'honneur de notre ville, une ou plusieurs personnalités palestiniennes lors d'un prochain conseil municipal dont on pourra reparler. Et on ajoute à cette question, continuez et soyez cohérents. Si cette exigence elle est réelle de défendre ces valeurs-là, alors elle doit s'appliquer partout, y compris dans l'utilisation de l'argent public. Et dans toutes les décisions de la municipalité, dans les partenariats que vous menez, de questionner le statu quo, je m'adresse notamment à Yanis Bekti sur les questions de l'international et à Léo Vergier sur les questions aussi d'appel d'offres et de vraiment voilà, questionner ce statu quo parce que il y a une question simple. Avec qui la ville travaille-t-elle et à quelles conditions? Donc il y a des petites choses, notamment ne plus financer des entreprises comme HP en achetant des ordinateurs parce qu'elles sont complices, ces entreprises, des crimes israéliens. Et à ceux et celles qui diraient que parler de la cause palestinienne ici n'a pas sa place, c'est complètement nier le fait que Saint-Étienne est une ville de lutte, une ville de combat. Et je vous cite, monsieur Joannico, dans votre discours d'investiture, vous avez parlé de ça, et que la lutte du peuple palestinien nous concerne tous et toutes, car elle concerne la dignité humaine. Là, c'était les deux premières questions orales, on est d'accord. Sur la question des citoyens d'honneur, oui, je vais vous passer la parole après, hein, mais simplement, je précise, sur les questions des citoyens d'honneur, j'aimerais qu'on ait une réflexion plus large, plus globale, comme la commission des hommages publics, quelque chose de très important. Peut-être qu'on aura aussi là des décisions à prendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà, qu'on puisse là aussi avoir un groupe de travail pluriel, divers, qui recueille toutes les sensibilités et qu'on essaye de se mettre d'accord sur une méthodologie, une procédure. Mais je ne dis pas que je suis pas fermé sur ces questions-là. Je vais laisser mes adjoints répondre, hein, que ce soit Yanis Bekti ou s'il le souhaite, Léo Vergier, sur les questions de commandes publiques. Mais peut-être Yanis Bekti plus largement sur les annonces de la semaine dernière concernant la mise à l'étude d'une sortie du jumelage avec la ville israélienne. Je vous remercie, monsieur le maire, et je vous remercie, madame Zenaf, pour votre question. En effet, comme vous le savez, la semaine dernière, la majorité a choisi à annoncer un geste fort concernant un jumelage existant et à annoncer un jumelage à venir. Ce geste s'inscrit en cohérence, et là je tiens à saluer le travail de nos élus qui étaient dans l'opposition lors de la municipalité précédente, à savoir Ali Rasfi, Isabelle Dumestre, Pierrick Courbon, Julie Toki et j'en oublie certains. Olivier Longeon, Laetitia Valentin également, évidemment. Ces élus ont proposé ces initiatives, et c'est en cohérence que nous avons, lorsque nous sommes arrivés dans l'exécutif, que nous avons proposé ces gestes qui sont plus que symboliques, vous avez raison. Nous plaçons notre action sous l'égide du droit international et nous entendons placer toutes nos actions sous l'égide du droit international. La ville de Saint-Étienne est en effet une ville de lutte, et nous tendrons la main à toutes les municipalités qui, sous l'égide du droit international et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, placeront leur politique. Bien, quelques mots, et puis ceux qui voudront reprendre la parole pourront le faire après moi. Le choix que nous avons fait la semaine dernière, c'est celui de la clarté, de la cohérence et de la fidélité à nos engagements. D'abord, M. Jousserand, ce n'est pas Antoine Durafour, c'est Michel Durafour qui a décidé de ce jumelage. Michel Durafour a été mon président de comité de soutien quand j'étais candidat aux élections législatives en 2007, et j'en suis très fier. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour lui, puisqu'il a été maire de Saint-Étienne bien avant moi, en ce jour de conseil municipal. Deuxième point, je ne suis pas en mal d'une notoriété nationale. Je veux vous le préciser parce que ça fait 35 ans, j'ai fait 35 ans de vie politique nationale. Cette vie politique nationale, je l'ai mis entre parenthèses en 2022, volontairement. Mais 35 ans, c'est très long. Et je peux vous dire que c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis, en tant que maire de Saint-Étienne et président maintenant de Saint-Étienne Métropole, 100% focus et engagé pour ma ville et pour mon agglomération. Ça, il faut être clair là-dessus. Donc je ne vais pas faire le buzz au niveau national, ça n'a aucun sens de dire cela. Troisièmement, je veux vous mettre au défi de trouver dans mes propos, dans mes engagements, dans mes prises de position. Alors certes, je l'avoue, hein, bien souvent j'ai pris position de façon très importante pour la cause palestinienne, et je ne le renie pas du tout, mais j'ai toujours été, franchement, sur une position très modérée tout au long de ma vie politique, dans le conflit israélo-palestinien, mais je vous mets au défi de retrouver un seul dérapage, un seul mot de ma part, ou une seule déclaration de ma part qui prêterait à confusion sur ces questions-là. Donc il n'y a pas de clientélisme là derrière, il n'y a pas de gage donné à qui que ce soit. D'ailleurs, vous aurez remarqué quand même que pour ces élections municipales, il y avait bien une liste LFI au second tour des élections municipales et une liste de la majorité municipale telle qu'elle a été élue. Donc si vous cherchez sur ce plan-là, je pense que vous ne trouverez pas. C'est pas la première décision, là aussi je veux quand même le préciser, que nous avons prise en tant que majorité municipale. Je vous rappelle que la première décision que nous avons prise dans ce conseil municipal, c'est la baisse de mes indemnités de maire. Voilà. Mais je pourrais vous en citer beaucoup d'autres qu'on a commencé à initier. On a parlé tout à l'heure des transports en commun, on a parlé des commerces, on a parlé des questions de mobilité, on a parlé de la question de l'éducation. Donc ce n'est pas la première décision, c'est une décision qui nous permet de tenir un engagement et qui n'est pas un engagement lié à la campagne électorale des municipales de 2026, mais un engagement qu'on a pris bien avant, au moment de la campagne des élections municipales de 2020, quand M. Pierrick Courbon était tête de liste et que j'étais troisième sur sa liste au premier tour. C'est à ce moment-là que nous avons pris cet engagement sur la mise à l'étude d'un déjumelage de la ville israélienne avec laquelle nous sommes jumelés depuis 1974, sans qu'il n'y ait eu jamais de jumelage, ce qui devrait quand même attirer votre attention. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi maintenir aujourd'hui un jumelage qui n'existait pas dans les faits, voilà, qui n'avait pas d'existence, il n'a jamais été mis en œuvre. C'est pour ça que je parle de clarté et de cohérence. Le fait de se déjumeler de cette ville, il y a bien évidemment d'autres raisons. Voilà, et vous pourrez les aborder dans le débat, ça ne me gêne pas de les aborder. Voilà, c'est une ville d'extrême droite, ça a toujours été une ville d'extrême droite, elle ne correspond pas aux valeurs de la ville de Saint-Étienne. Donc un jumelage qui n'existe pas avec une ville gouvernée par l'extrême droite, ça me pose doublement question, en tant que maire de Saint-Étienne. Mais une fois qu'on a dit ça, nous on s'est engagé, et on va mettre à l'étude bien évidemment juridiquement les conditions de sortie de ce jumelage, on s'est engagé, nous, très fortement, sur la question d'un jumelage avec une ville palestinienne. Ça nous tient à cœur et nous allons explorer les voies d'un possible jumelage avec une ville palestinienne. Mais M. Jousseron, M. Boucher, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la possibilité à l'avenir d'un jumelage à nouveau avec une ville israélienne qui partage les valeurs de Saint-Étienne. Et ça, je veux dire, là-dessus, on est extrêmement clair. Là, la question, c'est cette ville israélienne en particulier, cette ville de Nof à Galil, qui pose problème, parce que le jumelage est inexistant, et qu'aujourd'hui, je me vois mal continuer un jumelage avec une ville d'extrême droite. Voilà, ce ne sera pas un quart d'heure d'extrait, le temps nous est compté. Bon, 10 minutes néanmoins, voilà, des échanges qui ont nourri aussi finalement cette fin de séance de conseil hier avec cette question orale portant sur la question du jumelage et ce désengagement auprès de la ville de Neuf à Galil en Israël et la possibilité d'un autre jumelage avec une collectivité palestinienne motivée par trois, on va dire, raisons, vous l'avez entendu, un engagement de campagne dès 2020, donc c'était déjà présent, un jumelage fictif finalement, existant ou inexistant avec Neuf à Galil, ex-Nazareth Illit d'ailleurs, ville dirigée par l'extrême droite, et puis donc le jumelage possible avec d'autres villes, et notamment palestiniennes, mais aussi israéliennes, pourquoi pas. En tout cas, la position est celle-ci, cela a été réaffirmé donc hier, au-delà de l'annonce fin de semaine dernière. C'est aussi la ville de Saint-Étienne qui rappelle le respect ou que le respect du droit international est le socle indispensable de toute relation entre les peuples, et à ce titre, donc, la municipalité affirme son soutien indéfectible au droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes et à vivre dans la dignité de la sécurité, et inscrit son action dans ce cadre des résolutions des Nations Unies, en refusant toute forme de complaisance vis-à-vis des violations du droit humain international. Et aussi, concernant le jumelage existant donc avec Neuf Afghan-Lil, dirigé par l'extrême droite, la municipalité fait le constat d'une suspension du fait des opérations de coopération, des échanges et relations concrètes qui sont interrompues depuis plusieurs années, et aucune convention d'ailleurs de jumelage en cours de validité n'existe à ce jour. C'est pour ça qu'elle entend donc mener sous réserve des modalités juridiques et techniques en cours d'étude un processus de sortie définitive de ce jumelage, et en entamer d'autres, notamment avec la construction possible d'un nouvel acte de coopération internationale avec une collectivité palestinienne, mais aussi, pourquoi pas, israélienne ou d'autres. C'est ce qui a été aussi évoqué hier, je le disais, c'était 45 minutes de débat sur ce point, forcément, qui à la fois cristallise un peu les tensions et divisions, hein, à tout niveau, et dans, on va dire, au-delà des assemblées locales et politiques, et qui, voilà, à nouveau a été présent hier, et je le disais, ce fut des échanges assez tendus. tendu, en tout cas qui véritablement là aussi a crispé un petit peu ou cristallisé là aussi les oppositions fortes hein, entre droite voire extrême droite et gauche, extrême gauche. En tout cas, voilà, ce fut assez sensible sur ce dernier point hier. Voilà pour ce retour de séance de conseil municipal. C'est la toute fin de ce programme avec l'heure impartie qui est écoulée. Il va être temps de terminer. Rappelons juste donc à retenir hein, ces différents points, certes, à revisionner sur le site de la ville comme habitude. Des séances désormais mensuelles. En tout cas, ce sera le cas pour des séances au mois de mai et au mois de juin. Le prochain conseil municipal aura lieu le 27 mai prochain. Ces conseils désormais se répartissent sur une journée avec une demi-journée consacrée à une question débat et une question de fond donc. Et puis l'après-midi à des dossiers délibérations plus administratives et techniques, dirons-nous ainsi. Voilà, c'est l'essentiel peut-être à retenir. Et pour les autres instances et autres séances, ce sera le cas pour Saint-Étienne Métropole, je le rappelle. Là aussi, hein, Régis Joannico a été élu président de Saint-Étienne Métropole, de la communauté d'agglomération. Et la prochaine séance aura lieu demain, ce mercredi 22 avril, à partir de 14h30. Ce sera une séance d'ailleurs qui aura lieu au Musée d'art moderne de Saint-Étienne. On termine sur ce et en musique, allez, véritablement guise de générique de fin, puisque elle me semblait plutôt bienvenue à la fois pour annoncer nos partenariats à Découverte Ferrarock cette semaine, et puis parce que c'est le personnage principal, non pas Régis Joannico ou les élus et les Stéphanois, Stéphanoises, mais le personnage principal est le titre de cet album de Dab Brother, qui est un album sorti via Floral Records, Kiwi Records, c'est de l'électro-rap. Et je vais vous proposer de terminer avec ce titre sympa, c'est le titre là aussi officiel de Dab Brother. C'est un partenariat Ferrarock cette semaine, la Ferra qui vous propose bien sûr toujours double artiste album en découverte et en jeu concours avec interview à la clé. Ce sera dans l'émission Dig Dig Diggers auprès donc de Dab Brother, auprès de Ultramoul, et le Gros Gâteau, c'est leur album également en découverte cette semaine, ainsi qu'une interview de Taïga. Ce sera dans Dig Dig Diggers ce jeudi à 19h, vendredi midi et lundi en matinale dès 8h. On termine donc avec Dab Brother, sympa, pour boucler ce programme. On se retrouve jeudi, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye. Dans nos amicales laïques, quand ils font des spectacles, par exemple, ou des expositions. Nique ta mère la pute, sois poli, jeune homme. Essaie d'être cool quand t'écris des coms. Si ça te fait pas kiffer, tu lis pas mon blog. Si t'aimes pas ma vie, regarde pas mes vlogs. Sois sympa, c'est cool, tout le monde est gentil. Considère les autres, genre c'est tes amis. Pars pas du principe, c'est des ennemis, ouais. Sois pas mal poli, essaie d'être sympa. Si c'est pas cool, le dis pas. C'est ok si t'aimes pas. Mais laisse tes pécho sympa. Essaie d'être sympa. C'est ok si t'aimes pas, mais STP sois sympa. Sors du tram pour laisser passer la dame. Reste pas devant les portes, essaie de pas bloquer la rame. Sois pas con, essaie de pas penser qu'à toi. Fais comme le lapin, fais gaffe où tu mets tes doigts. Utilise ta tête, arrête de vider la taille. Aujourd'hui tu fais ce que t'avais prévu la veille. Essaie de réfléchir, c'est pas forcément facile. Même si ta vie c'est de la merde, essaie d'être un peu habile. Toi t'es tellement au-dessus des autres, t'as pas besoin de conseils. Mais personne veut ton avis, je sais pas, ferme ta gueule. Si tu crois qu'il y a pas de problème, c'est que c'est toi le problème. Fais le minimum, STP quand même. Essaie d'être sympa. Si c'est pas cool, le dis pas. C'est ok si t'aimes pas. sympa, bordel. C'est quand même pas compliqué. Je suis obligé de te le dire si fort comme ça, il faut que je m'énerve en fait pour que tu comprennes. Déjà que le monde est pas cool, si toi tu t'y mets, mais c'est la fin du monde en fait. Tu comprends ça? Tu précipites la chute. Sois sympa, bordel. Sinon, en fait, y a rien qui va bien se passer. Entre toi et moi, mais aussi avec ton rapport aux autres. Et je dis ça parce que je t'aime, putain. J'ai pas envie que tu fasses de la merde. Fais pas comme tout le monde, en fait. Sois sympa. Chier, quoi.